franceinter.fr. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. Chouan en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean. Cœur battant en avant, Chouan. Chouan en avant. Ah, je sais, Philippe, ça c'est mon Michel, c'est notre Michel Sardou. Et oui, mais si je vous parle des Chouans aujourd'hui, eh bien c'est pas parce que Michel nous appelle, hélas. Mmh. Non, c'est Didier qui nous appelle de Nantes. Nantes, au lieu de la chouannerie. Alors Didier qui a, je crois, un problème singulier. Bonjour Didier. Bonjour Philippe. Bonjour Margaret. Bonjour Didier. Je commence par... Eh bien le début, ça arrangerait tout le monde. Alors voilà, je vous appelle parce que bon, au départ j'ai commencé par me prendre pour une vedette, mm-hmm. genre Thomas. Oui, Thomas qui? Saint Thomas? Non, Thomas de Koh-Lanta. Ah. Et puis après plus quand même des stars, hein, genre Vincent. Mm-hmm, Vincent. Vincent de La France a un incroyable talent. Ah oui. Et puis après, alors carrément des présentateurs vedettes, mmh. j'ai fait 4 mois Benjamin Castaldi. Comment ça vous avez fait ça, c'est-à-dire... Vous êtes imitateur ? Non, j'ai été tous ces gens. J'ai été Benjamin Castaldi pendant 4 mois. J'ai même écrit un livre sur Simone Signoret. Ah oui, donc vous savez, alors c'est quelqu'un dont vous connaissez bien sa vie alors déjà ? Ah non. Et évidemment, j'ai signé pas mal d'autographes. D'accord. Vous lui ressemblez physiquement, vous êtes sosie, vous. Non, pas du tout. Bah, alors comment c'est... Bah, c'est moi qui leur disais qui j'étais. C'est vous qui leur disiez qui vous étiez, vous vraiment qui... Oui, et comme à l'époque j'étais Benjamin Castaldi, voilà, je leur... Alors, vous êtes qui, vous, maintenant, alors ? Ah bah là, je suis plus personne, hein. D'accord, donc là vous êtes vous-même. Non. Si. Ah non. Bah si. Bah non, je suis plus quelqu'un du tout. J'ai voulu me soigner tout seul parce que mes problèmes ils venaient de la télé. Alors j'ai éliminé la cause des problèmes quoi. La télé. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez jeté? Non, j'ai pas pu. Et du coup à la place je. C'est difficile. Enfin, aujourd'hui, je suis un meuble télé. Margaret. Oui. C'était plus pour toi. Que. Oui. Ah oui. Oui. Alors un meuble télé. Oula. Alors pourquoi? Parce que c'est le seul endroit d'où je peux pas regarder la télé. Ah, pas bête. Donc, si je comprends bien, vous vous mettez dans le meuble télé, c'est ça? Ah non. Non. C'est moi le meuble télé. Je suis le meuble télé. Bon, alors attendez, quel est votre problème, Didier? Mon problème, c'est que j'ai à quatre pas toute la journée, j'en peux plus, quoi. Je vais pas passer toute ma vie en meuble télé, quoi. Mais alors, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous êtes un meuble télé? Oui. J'ai ma télé sur le dos, j'ai un passe-câble. Un quoi? J'ai un passe-câble. Bah, où ça? Je vais pas vous faire un dessin. Oh, mais c'est dégoûtant, ça. Oui, mais c'est pratique. Ouais, c'est vrai. Vous êtes muni de roulettes, alors? Non. Ah, d'accord. Mais j'ai un plateau tournant. Ah. D'accord. Est-ce que vous avez un logement pour DVD? Bah oui, quand même. Alors, quelles sont vos dimensions, Didier? Les 70, 90, 50. Mm-hmm. Mmh. Oui. Oui, ben. Bah... Tu me vois venir? Oui, je te vois venir. Ouais. Bah oui, c'est évidemment, c'est comme par hasard les dimensions idéales pour le salon. Dans l'angle, évidemment. Non, je vous explique en fait, Didier, ça nous intéresse parce que nous, on a la télé qui est posée depuis des années sur une très jolie malle, mais pas pratique du tout. Il faut déplacer la télé pour ouvrir Oui, on pourrait passer vous voir, Didier. Pour Eh bien, pour bien regarder les finitions, si on vous prend ou pas, pour décider. Me prendre ? Oui, bah oui, pas par le passe-câble, monsieur. Non, vous prendre pour chez nous, Didier. Mais je veux pas partir de chez moi, je vous ai appelé parce que je veux me sentir un être humain. Oui, et sentir un être humain, d'accord. Sauf que, moi je veux bien, mais vous avez un passe-câble, un plateau tournant, un logement DVD, je n'invente pas, c'est vous qui l'avez dit, et vous avez une télé sur le dos, alors... donc en fait, vous n'êtes pas un meuble télé. Je ne suis pas vraiment un meuble télé. La preuve, c'est que je suis en train de vous parler au téléphone, meuble télé, ça ne parle pas. La preuve que si. Vous savez bien que je suis un humain, la preuve, vous me répondez, je souffre juste d'une psychose. D'accord, en plus, monsieur a fait médecine, c'est rare pour un meuble télé. Enfin, je m'appelle Didier, je suis un être humain, j'ai 25 ans, ça va pas dans vos têtes. Non, mais alors, attends, vous parlez bien, hein. Attention, il faut bien parler. Hein. Didier, prenez pas ce ton. On est une émission de service, on est une émission médicale, on n'est pas une émission de miracle. Laisse. C'est fini. Bon, alors au revoir, monsieur. Voilà, au revoir, monsieur. Ah, vous voyez, vous m'appelez monsieur. Non. Il faut pas. Donc, non. Spécial. Oui, mais il faut raccrocher. Ce sont des gens toxiques. Je vois très très bien ce genre de personnes. Ce sont des gens très autocentrés et parfois très dangereux. Donc, Je ne comprends pas d'ailleurs. Moi, ce qui m'énerve surtout, si on peut essayer de résumer un peu tout ça, c'est que nos institutions médicalisées devraient quand même pouvoir gérer ce genre d'individus. Tout à fait. Parce que, surtout que je connais bon nombre de maisons de retraite qui ne rechigneraient pas sur un meuble télé tout neuf. Ah oui, mais ça, c'est Philippe l'idéaliste. Nous n'évoluons pas toujours dans le meilleur des mondes. Hein. Enfin bon, il est jeune, voilà. Il est jeune, c'est sa chance, il a que 25 ans. Mmh. Et espérons, alors comme l'a dit son alter ego Benjamin Castaldi, justement, qu'il sera intelligent, plus vieux, qui vivra, verra. Eh bien Margaret, c'est déjà la fin de notre émission. Oh. Et oui. Alors à demain. À demain. À votre écoute, coûte que coûte.